L'Éternel est grand et très digne de louange. On ne peut sonder sa grandeur. Sa bonté se répand d'âge en âge. Tous ses fidèles proclament sa splendeur. Les yeux de tous espèrent en toi, tu leur donnes la nourriture en son temps.